Bonjour à tous et bienvenue sur French Pod. Nous avons une nouvelle leçon intermédiaire pour vous aujourd'hui. Je m'appelle Amaury et je suis avec la charmante Erika. Oh, merci, bonjour. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Today, our intermediate lesson, we have a couple. Ouais. I love this couple. Les rossignols. The nightingales. They're funny. Un couple typique de français. And they're doing some furniture shopping. C'est ça, ils sont dans un magasin. Mm-hmm. Donc ils vont voir s'ils peuvent acheter un nouveau salon. Let's listen to the dialogue. Bien sûr, on va écouter le dialogue ensemble. Alors, mamie, il te plaît ce salon? Oui, il est joli. Et le canapé en cuir là-bas? En plus, il est pas cher. Regarde, seulement 5000 francs. Mais tu as perdu la tête, c'est 5000 euros. Oh, j'oublie à chaque fois. Mais enfin, ça fait des années qu'on a changé de monnaie. C'est vrai, je m'y ferai jamais. Ça fait combien alors? Laisse-moi prendre ma calculette. Ça fait 32 797 francs. Oh. Papy, tu es tout blanc. Assieds-toi 5 minutes. Nous revoici. Alors, on va étudier un peu ce dialogue. Que se passe-t-il d'abord? Well, they're doing some furniture shopping. Mm-hmm. Okay, first, you might have noticed they call each other mami et papi. It's a pretty universal way to affectionately call your grandparents, right? Ouais, tout à fait. So is it normal for grandparents to call each other that? Bah oui, quand même. Really? C'est affectueux aussi. Yeah. Souvent, ils le disent à cause des petits-enfants, de leurs enfants. So, Monsieur Rossignol. Ouais. Let's talk about what he asked her in the very beginning. This word salon. C'est comme la pièce de la maison, mais ici en plus c'est le meuble. Okay, so it also means like the living room set, all the furniture in it. And he liked it. He wanted to know if she did. Alors il dit, il te plaît ce salon? Does it please you? Exactement. This living room set. Mm-hmm. It's kind of an interesting construction. It's a weird word order and word choice compared to English. Can you give us some other examples? Il te plaît ce disque? Ou encore, chers auditeurs, elle vous plaît, cette leçon? So he looks over at another place. Et le canapé en cuir, là-bas. If you want to say a leather couch, you say canapé en cuir. Tout à fait. When you're talking about the materials, you say en material. Voilà. Alors, par exemple, moi, je préfère un jouet en bois qu'un jouet en plastique. Is that so? Oui, oui. First of all, you play with jouets? Non, je me souviens. Oh yeah, when you were little, right? Quand tu étais petit. Oui, je préférais les jouets en bois que les jouets en plastique. But here we're talking about canapés. Oui, donc ici on a notre canapé en cuir. This one's en cuir. Now this part's pretty interesting because he says en plus, and what's more, and even... Il n'est pas cher. How much does he think it is? Seulement 5000 francs. Il a trouvé une occasion. Right, so 5000 francs, which would seem like kind of a bargain. Bah tout à fait, ouais. And she's like... Tu as perdu la tête. Have you lost your mind? Exactement, en fait, c'est une expression pour dire, mais tu es fou. Are you nuts? Ça va pas. Tu as perdu la tête, you better find it. Parce qu'en fait, c'est 5000 euros. Yeah, not francs. C'est pas la même chose. Which is a lot more. Bien sûr. Faut multiplier par plus de 6. That's a lot of calculations. So, here we get further evidence that this happens all the time. Bah oui, il est désolé. Il est triste, j'oublie à chaque fois. Every time. Ouais. À chaque fois. Let's talk about that. So, do you always have to have the à? Alors, c'est une expression à chaque fois. It's kind of a fixed expression. C'est ça. You have to have that preposition à. Ouais, mais quand on l'utilise en début de la phrase, mm-hmm. le « a » est optionnel. Okay, so it's the beginning of the sentence. Ouais. You don't have to use it. You still can, though. Oui. Alors, comme exemple, chaque fois que mon père fait la cuisine, c'est un désastre. And there you could also say « à chaque fois that that happens », right? Oui. Mais donc ici dans le dialogue, j'oublie à chaque fois. Okay, so it was not at the beginning since you have to have that ah. And this is kind of a Franglish thing, isn't it? Mm-hmm. It's a common foreign speaker mistake to not put the ah in there, right? C'est vrai. So he oublie à chaque fois. Mais alors mamie, bon, elle lui dit mais ça fait des années qu'on a changé de monnaie. No, come on. Been years. Voilà. Now, ça fait des années means it has been, and here the que stands for since. Oui. So it's been years since what? Ça fait des années qu'on a changé de monnaie. Okay. I want to ask you about this one. Changer de monnaie. Oui. There's a couple things we're going to talk about. Mm-hmm. First of all, changer is followed by the preposition de. Oui. Changer de quelque chose. Mm-hmm. Donc, monnaie ici, c'est currency. C'est quand on passe d'une monnaie à une autre monnaie. Right, so if we say, we're going to changer de monnaie, we do not mean we're going to the cambio. Non, pas du tout. And pas we're going to exchange some currencies in our pocket. It means the whole entire country is going to be changing. C'est ça. Comme nous, en France, on a changé de monnaie. On est passé du franc à l'euro. And a lot of other countries in Europe a changé de monnaie also. Oui. Okay. Ça fait 10 années que you did this, and still, à chaque fois, you're thinking in francs. You're thinking in francs, papi. Il ne s'y fait pas. Donc, il dit, je ne m'y ferai jamais. I'm never gonna get it. No. I'm never gonna get this one. Mais c'est vrai, c'est compliqué. It's like, s'habituer. Exactement. Se faire. Imagine, Erika, ils ont été habitués pendant des années, peut-être 20 ans, 30 ans. Mm-hmm. Yeah. C'est dur. I'm sure it is. I feel bad for him, especially when he says this here. Je ne m'y ferai jamais. Poor papy. Pauvre papy. So, he needs to know. Ça fait combien alors? Alors ici, on a encore l'expression « ça fait », mais c'est un peu différent. Donc là, « ça fait combien ?» Ok. Donc là, on va l'utiliser pour un calcul. Right. When you want to know what a calculation is, you say « ça fait combien ?» Exactement. Parce qu'ici, on calcule... Combien font les francs en euros? Mm-hmm. Donc, on utilise cette expression. Ça fait combien? Does Madame Rosignol, is she really good with math? Could she instantly do the calcul? Like c'est peut-être un peu compliqué de le faire mentalement. Okay. Mais elle a tout prévu. Okay. Donc, elle a sa calculette avec elle. Laisse-moi prendre. Let me get it. Here, prendre means get. Voilà. Mm-hmm. Et là, calculette, c'est vraiment un mot très, très familier pour dire calculatrice. Ok, like my little calculator, my calculette. En quelque sorte, ouais. That's so cute. So, how much? Ça fait combien, alors? What is her calculations bring her to? Ça fait 32 797 francs. Quoi? That's a lot more than Papi expected. Et ben voilà, avec ça, il aurait pu acheter 6 canapés, Papi. They could buy a whole house for that. Et voilà. Alors, ça fait mal. And he's got to recover a couple of minutes. Ouais. To recover from the shock. Il est tout blanc. En fait, on a cette couleur ici, juste pour dire qu'il est pâle. Et alors, on dit la même chose en anglais? Yeah, we probably say, you're all white. Donc, papy a besoin de s'asseoir 5 minutes. Donc, voilà notre dialogue, on va l'écouter une deuxième fois. Ok. Alors, mamie, il te plaît ce salon? Oui, il est joli. Et le canapé en cuir là-bas? En plus, il est pas cher. Regarde, seulement 5000 francs. Mais tu as perdu la tête. C'est 5000 euros. Oh, j'oublie à chaque fois. Mais enfin, ça fait des années qu'on a changé de monnaie. C'est vrai, je m'y ferai jamais. Ça fait combien alors? Laisse-moi prendre ma calculette. Ça fait... 32 797 francs. Oh. Papy, tu es tout blanc. Assieds-toi 5 minutes. Now this was a pretty big event in Europe, wasn't it? Tout à fait. Vraiment, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Mm. Parce qu'en même temps, beaucoup de pays ensemble l'ont fait. It was a world historical event, really, to have so many countries changer de monnaie. En même temps. Yeah. Mm-hmm. And, you know, things like the franc, they were sort of a part of your identity. Exactement, ça faisait partie de la culture. It was a big sacrifice. Tout à fait. Mm. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté à abandonner le franc et se dire qu'on va passer à l'euro. Yeah, and just like these people, actually, this is kind of realistic, particularly older people. Tout à fait. I mean, that would be hard after so many years. Mm-hmm. Même si ça fait maintenant quelques années, tu vois, c'était le 1er janvier 2002 qu'on a vraiment commencé à utiliser les euros dans la vie de tous les jours. Uh-huh. Et c'est normal, il y a encore des gens maintenant qui ont du mal à penser en euros et ils pensent encore en francs. Mm-hmm. Et parfois, ils disent toujours francs. I was actually in France when this happened. And I remember for months and months, it was the topic of every conversation. The first thing on everyone's minds for months before it happened. It was the topic of every dinner party. And this was often a big topic, was what are the older people going to do? Ouais. It's going to be too hard for them to figure it out. This is terrible. Ouais. And but they seem to manage pretty fine. I did always see people with their little calculators though, especially when the move first happened. À un moment, on distribuait des calculatrices ou des calculettes. Yeah, with their little calculettes. Gratuitement aux gens pour les aider un peu à faire le change. Would you say that now most people are pretty much used to it? Do they still think in francs? Les personnes âgées, parfois, pensent encore en francs, mais sinon, les gens maintenant sont habitués. Sauf moi, parce que je n'étais pas toujours en France à ce moment-là, j'ai voyagé. Alors, tu ne t'y feras jamais, hein? Voilà, donc, nous avons ici cette histoire des rossignols. Maybe we'll see them come up again in the future. J'espère que nous avons passé une très bonne leçon ensemble. Et on espère également vous retrouver sur le site et partager toutes nos idées ensemble. At the site, frenchpod.com. Voilà. Sur ce, Erika, tu es toute blanche. Really? Am I? Ben oui, assieds-toi. Assieds-toi 5 minutes. Ok, au revoir. Salut.